Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois. L'épisode d'aujourd'hui a été très très particulier à plus d'un titre, mais avant de vous en parler, accueillons l'invité du jour. Avant, j'avais un peu envie de montrer que j'avais pas de faille comme ça. Or que maintenant, je suis plus en mode... Enfin, et du coup, mon personnage drag, même en 2 ans et demi de pratique, a hyper fort évolué. Même dans mon rapport au public, avant, je me souviens, quand j'arrivais sur scène, j'avais envie de presque faire peur comme ça, d'impressionner. Or que maintenant, j'ai envie de prendre comme ça et de... Ouais, d'être vraiment en mode on est ensemble. Ça a vraiment fort changé. Freaks et Merveilles vit sa vie depuis quelques temps maintenant. Vous le savez, si vous suivez l'émission, les épisodes ont été presque tous enregistrés entre avril et juin 2023. Alors monter un épisode devient un peu comme ouvrir un vieux coffre. Parfois c'est chouette, parfois brôleux, et parfois ça me prend aux tripes. J'ai eu le coup en montant l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois une drag queen, mais assignée femme. Une artiste qui fait beaucoup d'autres choses, mais trouve dans le drag un espace unique. Une drag qui se demande ce qu'elle fout là, alors même qu'elle adore ça. En montant l'épisode, j'ai ri, j'ai un peu pleuré. J'ai eu du mal à couper des bouts tellement tout faisait sens, tellement cette personne m'emportait dans son monde. L'épisode du jour est un peu brôleux, un peu biscornu, mais il m'est particulièrement cher. Aujourd'hui, je reçois Shaimi Blue. Avec elle, on a parlé puissance et fragilité, peur et embrassade. On a parlé de bien des manières d'être à poil. Et j'ai un peu l'impression que cette émission même en est une autre. Belle écoute et à bientôt. Eh bien bonjour Shaimi Blue, comment ça va? Ça va super. Et toi? Oui, ça va bien. On enregistre ça au mois de juin, il fait beau. Ouais. C'est un peu le rush de clôture de la saison. Tout à fait. Mais le soleil est au rendez-vous, donc moi ça me fait vraiment un bien fou. J'ai l'impression que la vie est plus douce quand il y a du soleil. Oui, c'est vrai. Eh bien, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est pour toi, une drag queen? J'ai l'impression que j'ai jamais essayé de mettre une définition précise là-dessus, en tout cas en ce qui concerne ma pratique, celle de mes amis, des performeuses que je fréquente, etc. Mais là où je dois essayer de définir ce mot, c'est quand je me retrouve à expliquer ce que je fais à des gens qui connaissent pas tellement ça et qui ne savent pas non plus que des femmes cis hétéros peuvent faire ça. Et c'est là que je me retrouve à expliquer du coup ma définition qui s'improvise toujours sur le moment même. Parce que pour moi, en fait, c'est une drag queen, enfin un personnage drag queen, bah, avant tout, c'est un personnage qui, moi en tout cas, me permet d'aller à un endroit de la féminité et de ma féminité complètement exagérément. Et à un point que ça me permet de transcender des choses qui font partie de ma vie personnelle, intime, d'aller à fond dans une performance du genre au travers d'un personnage. Ça me permet en fait de comme avoir plus de pouvoir sur moi-même et j'ai l'impression sur les autres aussi d'une certaine manière. J'ai l'impression que ça me rend plus grande, ça m'élargit quoi. Donc là je définis un peu dans quel état je suis quand je suis avec tous mes apparats de la drag queen, mais du coup je sais pas définir qu'est-ce que c'est une drag queen. J'ai l'impression que ce serait très réducteur parce qu'il y a tellement de formes différentes que j'y arrive même pas. Merci. Mais parce que toi, tu performes aussi par ailleurs, tu fais du théâtre, tu joues dans des films, dans des séries, etc. Est-ce que ce que tu décris là de sentiment de puissance et d'être plus grande que toi et d'avoir cette espèce de super puissance quand t'es en drag queen, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi quand tu performes sous d'autres formes, sous d'autres médiums, ou c'est vraiment spécifique au drag, en tout cas à ton expérience du drag? Bah, c'est vraiment spécifique au drag. Enfin, pour moi, en tout cas, ouais. Parce que, il y a des personnages qui sont très, très stimulants à jouer et qui procurent une forme de puissance. Mais ici, avec le drag, j'ai l'impression que tout est là pour Même par exemple les expériences négatives qu'on a envie de, dont on a envie de parler avec ce médium-là, même si on parle d'expériences négatives, en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que le positif qui reste aussi d'une certaine manière. Qu'il y a un truc où vraiment, comme, j'arrive pas à trouver d'autres mots que transcender en fait pour expliquer cette sensation-là. Que vraiment, ouais, j'ai joué des personnages vraiment hyper attachants où t'as une partie de ce que t'as créé pour trouver ce personnage qui reste chez toi. Et ça, je trouve que c'est d'ailleurs un phénomène assez surprenant. Mais avec le drag, j'ai l'impression que bah, j'ai dû... Qu'en créant cette chose, eh bah, ça, ouais, ça a transformé ma vie et mon rapport à mon corps aussi d'une certaine manière. Et maintenant, j'ai la sensation que Shining Blue m'accompagne un peu tout le temps, contrairement à plein d'autres personnages qu'en fait, je m'en fous, tu vois. Et que ouais, là, c'est un rapport de moi à moi, même s'il y a un public, il y a une recherche très intime, en fait, qui est passée par là. Qui est passée par la recherche du drag. Désolée si, mais... Non, c'est super. Les idées partent dans tous les sens, comme ça. J'aime beaucoup. Mais alors, traditionnellement... en tout cas dans une certaine tradition ce sont des hommes cis gays qui sont drag queens en tout cas qui prennent ces apparats, ces codes de la féminité. Est-ce que toi t'as dû trouver une légitimité à pouvoir te dire drag queen en étant assignée femme et en te genrant comme femme, ou comment ça s'est passé ce rapport-là? Et la légitimité, je la cherche encore tous les jours. J'ai l'impression que je la trouverai peut-être jamais, en fait, la légitimité à cet endroit-là. Même si, vraiment, j'en ai discuté mais milliards de fois avec toutes mes copaines. Et ouais, vraiment, c'est un sujet à chaque fois que je commence à me maquiller, à me dire... Là, notamment, quand on performait sur Hippocampe, donc on était une grosse équipe, et j'ai l'impression que tous les jours, j'avais ce nœud au ventre de légitimité. Alors, je sais pas exactement... En fait, je pense pas que ce soit le fait d'être une femme cis-hète qui me dérange. C'est mon rapport à ma sexualité. Du coup, de ne pas être à un endroit de queerness... En tout cas, voilà, moi je suis hétéro et voilà, j'ai une vie qui est hétéro d'une certaine manière. Alors j'ai des amis qui me diraient oui, bah, moi je te considère comme queer, mais j'ai pas envie d'utiliser ça, tu vois. Donc ouais. Du coup, la légitimité passe aussi par une forme de vocabulaire, tu vois, par se dire bon, ben ok, ben moi je suis ça, donc je me sens légitime à être ça. Et du coup, là, je ne trouve jamais de mot. Le mot. Enfin, je me considère comme queen, comme drag, mais j'ai l'impression que tout ce qu'il y a autour n'est pas là dans mon schéma à moi. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que l'art du drag, c'est un art qui, en tout cas, très majoritairement est utilisé dans les communautés queer, et qui, même historiquement, est né, a été développé dans des communautés queer pour aider à dépasser des limites, à exprimer des choses que les personnes ne pouvaient pas exprimer par ailleurs. Et bien donc, sûr. Toi, c'est plutôt là que tu as du mal à trouver une certaine légitimité à... Parce qu'en même temps, tu vois, quand tu me racontes en tout cas ton rapport au drag sur la première question, tu me dis que ça te permet d'exprimer des choses que tu peux pas exprimer par ailleurs, que ça te permet de quelque part de sortir de toi, donc il y a une... Et que même des expériences négatives que tu comptes via le drag, tu peux les transcender, en faire quelque chose de positif, donc ce processus, il est là, en tout cas. Mais en fait, c'est une question de... C'est la légitimité liée aux communautés qui ont utilisé cet art-là, en fait, et un endroit de... est-ce que je me réapproprie quelque chose qui ne doit pas du tout m'appartenir ? Ça, tu vois, j'ai jamais trouvé la paix, trouvé une réponse satisfaisante à cette question à l'intérieur de moi. À l'extérieur, en discutant avec des amis, oui, on m'a beaucoup rassurée. Parfois, j'ai trouvé l'éclair qui me rassurait comme ça. J'étais là, mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que je le fais, hein, tu vois. Mais ça retombe toujours. Et je sais que, en fait, cette pratique, pour moi, elle a été nécessaire pendant une période de ma vie. Mais je sens que c'est peut-être aussi ça qui questionne ma légitimité. C'est que, je sens que c'est un endroit qui me sert de tremplin aussi. J'en discutais justement avec, avec Adrie, avec Drag Queen, et on a décortiqué un peu ça. Et en fait, j'ai découvert que c'était grâce au drag que j'arrive à chanter sur scène. Et en fait, Adrie m'a dit, ben voilà. Je l'avais, ben oui, en fait, j'avais jamais fait le rapprochement, alors que, enfin voilà, j'avais jamais trop fait le rapprochement, mais en fait, c'est pour ça que j'avais envie de faire du drag. Ok. C'était pour pouvoir chanter sur scène. Pour t'autoriser sans, à... Ouais, m'autoriser à chanter sur scène, ouais. Sans peur. Un peu protégée aussi, un peu masquée par... c'est pas juste Mélissa, c'est tout ça. Enfin, ouais. Tu vois. Ouais. Oui, bah alors justement, en parlant de se réapproprier des choses, en parlant de ce qu'on... entre guillemets, ce qu'on peut ou ne peut pas dire, ou en tout cas, ce qu'on est légitime à dire ou pas. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes assignées femmes qui trouvent que parfois, des personnes assignées hommes ou des personnes non-binaires, mais assignées hommes à la naissance, tiennent des discours sur des points spécifiques de la féminité et de ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui, par exemple le harcèlement de rue, par exemple les violences que peuvent subir les femmes, etc., et ont un peu un discours qui peut être réducteur ou qui peut être un peu facile, entre guillemets, par rapport à ces vécus-là. Est-ce que toi, tu ressens ce genre de choses quand tu assistes à d'autres shows, ou est-ce que toi, du coup, t'as pas aussi... C'est peut-être aussi un endroit de légitimité de se dire que ben, toi, tu sais, toi, tu t'es née femme, tu te vis comme femme au quotidien, et donc tu peux transcender et porter ces messages-là de l'intérieur sur scène en tant que Shimi Blue. Je comprends tous ces questionnements, mais en même temps, je crois que j'ai eu parfois envie de dénoncer des choses sur scène, mais très vite, j'ai pas eu envie de parler de choses nécessairement précises, de type harcèlement de rue. Enfin, en général, quand j'ai créé des choses, ça venait vraiment d'une impulsion. Assez instinctive, et ensuite je me faisais une dramaturgie, donc ça part tout le temps d'une chanson que j'ai envie de performer, et ensuite l'histoire vient. C'est vraiment genre j'ai envie de la travailler, il y a un truc vraiment méga instinctif là, et donc je la travaille, et puis ensuite toutes les images me viennent, mais je me dis pas tiens, en tant que femme là je vais parler de ce sujet, de cette chose ici précise, alors je trouve ça trop cool en fait qu'il y ait des gens qui le fassent spontanément ou pas, assignée femme ou pas. En fait, ça, c'est vraiment un truc que je me dis que chacune fasse bien ce qui lui fait du bien, en fait. Et ce qui peut faire du bien à d'autres aussi. Après, évidemment, il y a des choses qui vont être décriées, qui vont être jugées. Ou qui peuvent être maladroites, simplement. Ou qui peuvent être maladroites, très clairement. Ouais. Je crois qu'il s'agit juste de le dire, mais empêcher les gens de le faire... Je suis pas nécessairement pour ça. Il y a beaucoup de maladresse en effet dans ce monde, et voilà. Ben merci. Effectivement, tu chantes beaucoup sur scène. C'est marrant parce que du coup, en préparant... Parce que moi, la première fois que je t'ai vu performer sur scène, c'est en fait quand je performais avec toi à Curiosity, il y a presque 2 ans maintenant. Il y a un an, non ? C'était pas mars 2021 ? Ouais, c'est ça, mars 2021, oui. 21, 22, enfin bref. Et justement, je trouvais que tu avais une manière de prendre la scène pour chanter. Donc, tu as chanté a cappella « Can't take my eyes off of you ». Et ce que je trouvais formidable, c'est notamment qu'il y a un ou deux moments dans la chanson où en fait, tu as fait une note et puis tu as fait « Oula, non attention, ça c'est pas la bonne note » et tu as repris. C'est quand même, je trouve à la fois une puissance incroyable de s'autoriser ça en public, plutôt que de faire genre « Non, non, mais en fait tout est parfait, on change rien. » Et en même temps, c'est quand même, je trouve, une manière de montrer sa vulnérabilité très forte, de dire « Ah, là j'ai fait une erreur, mais en fait c'est ok et on va reprendre quoi. » C'est ce genre de choses-là que tu trouves dans le chant. C'est pour ça que c'est important pour toi de chanter en drag. Chanter, c'est un truc que j'ai du coup toujours aimé faire. Et j'ai découvert qu'en drag, j'arrivais à rebondir de cette manière quand, y a, quand erreur il y a, mmh. tu vois. Et d'assumer aussi les imperfections d'un show. Ouais, d'assumer la vie qui vient et de toujours la saisir, en fait. D'être... Et ouais, le drag m'a vraiment genre ouvert les oreilles comme ça. Quand je suis sur un plateau en drag, je me sens à 360 degrés comme ça, vraiment un truc de... Et du coup, je suis aussi assez à l'écoute de mes sensations que pour pouvoir... Et c'est ça que je trouve incroyable dans le drag, c'est le contact avec le public est tel que en fait... en tout cas, moi, je me sens en permanence en discussion avec les gens qui sont présents dans la salle. Et c'est ça. Et du coup, c'était la première fois ce soir-là à Curiosity que je chantais a cappella. Non, c'était pas la première fois que je chantais a cappella, mais que je chantais 7 chansons a cappella devant un aussi grand public. Et que vraiment, je faisais des... Enfin, que du coup, j'ai surbondi sur une erreur de note, quoi. Mmh. C'était la première fois, et après ça, je me suis vraiment dit, oh, mais il faut assumer, en fait. Ça fait trop du bien d'être là sur scène et de pas, se taper dessus intérieurement si tu fais une erreur, quoi. Ouais. Et ouais, ça, je trouve que c'était un moment super agréable, et de sentir, du coup, que le public était là, mais what, qu'est-ce qu'elle fait ? Et que ça faisait rire. Oui, c'était dingue. Et ça, je me suis vraiment dit... qu'en fait, c'était aussi ça que ça m'apportait, une sorte de confiance, en fait, en ce que je fais. Et de rien n'est grave, en fait. On est là, mais on n'est pas en train de piloter un avion. On peut mettre un peu de légèreté dans tout on ça. On peut se cracher, c'est, oui, c'est pas très ça. Grave. En fait. On va pas mourir, en tout cas. Yes, yes. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves pas forcément dans d'autres secteurs artistiques que tu pratiques dans... Il y a une volonté de résultat plus forte ou peut-être un besoin intérieur, enfin une autorisation intérieure qui n'est pas là ou parce qu'en même temps je me dis le drag, bon, parce que moi aussi j'ai des pratiques extérieures, des pratiques artistiques autres, ouais. Et je trouve que le drag, l'intérêt aussi, c'est qu'on est en fait, on a la scène pour nous pendant 4, 5, 6 minutes, ouais. Et en fait on en fait ce qu'on veut. Et si on a envie tout à coup de faire un prout sur scène et puis de s'en aller, ben en fait, on fait un prout sur scène et on s'en va. Là où, dans une pièce qu'on a répétée pendant 2 mois, où on est 3, 4, 5, 7, 8 sur scène, il y a le rythme des scènes, il y a les top régies, il y a les machins, il y a les trucs qui nous enferment, entre guillemets, et qui nous amènent dans ce besoin de résultats. Donc le drag, c'est aussi, pour toi, le... C'est pour ça que c'est aussi cet espace de liberté-là qui est possible. Ouais, c'est l'endroit de la spontanéité pour moi. Okay. Et chose que vraiment dans le théâtre, j'ai du mal à déconstruire parce que le texte est là en fait et parce que ce ne sont pas mes mots et que malgré 4 ans d'études, en fait, dire les mots de quelqu'un d'autre, ça me semble toujours compliqué. Après, c'est un exercice auquel je me prête et j'aime ça au final. Après plusieurs semaines de répète, j'y trouve mon sens, j'y trouve mon plaisir. Mais découvrir qu'en fait, on peut dire ses propres mots sur scène et s'amuser de ça et ouais, avoir une liberté totale, quoi. Et ben ça, ouais, j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant. Et c'est ce qui peut faire peur aussi. Moi, je sais que je peux avoir fort peur de liberté totale égale, ben, je sais pas, je suis complètement perdue du coup, parfois. Mais voilà, ça allait... Comme on dit, les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. C'est marrant de se dire qu'il faut passer 2 heures à se maquiller pour trouver la spontanéité. Et le... Ouais. Hein. Oui, c'est ouf. On en a pas mal discuté dans Hippocampe, du coup, le spectacle qu'on jouait au Varia. Et ouais, on a eu beaucoup de discussions autour. Enfin, on a eu une grosse discussion notamment sur les différences entre. Drag, enfin cabaret et théâtre. Et je sais plus exactement qui avait dit ça, mais quelqu'un avait dit au cabaret, il y a comme un truc où on est sans filtre. Et puis ça a un peu remué dans ma tête, et je suis là, mais non, au contraire, on a 1000 filtres qui nous permettent de sortir quelque chose d'autre. Mais on a 1000 masques, on a un masque qui nous donne une force différente. Enfin, ouais. Ça sort peut-être avec plus de. Avec brutalité ou avec force, mais en tout cas, il y a un masque qui nous permet d'accomplir ce qu'on accomplit sur scène, au cabaret, en tant que personnage drag, quoi. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, moi, ça fonctionne comme ça pour moi, quoi. Oui, il y a aussi une question d'alibi de se dire, c'est pas moi, c'est mon drag. C'est ça, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Et parce que, tu vois, j'ai, ben, notamment dans les invités qui sont passés là, puis même en parlant avec des drags, il y a beaucoup de drags aussi qui me disent quand même que, par exemple, elles s'autorisent pas certaines choses parce que leur personnage ferait pas ça. Ou même des drags qui disent qu'elles prennent une, enfin, qu'il y a une autre voix qui vient quand elles sont en drag, etc. Toi, j'ai l'impression qu'au contraire, le drag te permet de t'approcher de toi et d'être au plus près de toi. Ou tu sens quand même qu'il y a cette espèce de... que Shimi Blue te tire aussi vers elle, que c'est pas seulement Mélissa qui... Je réfléchis un peu à cette question... J'arrive pas. Si c'est un peu trop stratosphérique, on... Non, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'au début, je crois que j'essayais de... C'était un peu toujours la même attitude corporelle, moi qui venais. Mm-hmm. Ah oui, donc tu sentais quand même que te mettre... Quand Shimi Blue était là... Ouais. Ça... Bah, le simple fait de mettre des talons, mm-hmm. ça change un corps, quoi. Mais maintenant, en fait, je crois que je m'en fous. Avant, j'avais un peu envie de montrer que j'avais pas de faille comme ça. Mon personnage drag, même en 2 ans et demi de pratique, a hyper fort évolué. Même dans mon rapport au public, avant, je me souviens, quand j'arrivais sur scène, j'avais envie de presque faire peur comme ça, d'impressionner. Or que maintenant, j'ai envie de prendre comme ça et de... Ouais, d'être vraiment en mode on est ensemble. Ça a vraiment fort changé. Un truc où j'ai plus envie de transmettre d'amour. Et notamment dans les chansons que je choisis maintenant, ça compte énormément pour moi de plus... je crois que ça y est, les douleurs, je dis pas que j'ai tout transcendé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont... qui ont guéri, d'une certaine manière, à l'intérieur de moi. C'est pas que passé par le drag, hein, évidemment. Ça a été un élément qui m'a permis de comprendre des choses et qui me permet encore... Mais une fois qu'il y a plus de colère, eh ben on peut laisser un peu... Enfin, en tout cas, moi, je peux laisser place à l'amour et ça m'intéresse davantage en fait, d'aller dans ce côté-là maintenant. Et pas que dans l'amour en mode « je vous aime, on s'aime, tout le monde s'aime ». Mais aussi montrer que quand il y a des erreurs, c'est OK. Enfin, tu vois, que la vie est là et imparfaite et on s'en branle. Bah écoute, bon, même si on en a déjà beaucoup parlé, ça me paraît être une très très belle introduction pour se pencher plus particulièrement sur ton parcours à toi et qui est Shimi Blue. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est assister à un show de Shimi Blue ? Eh ben, ça peut ressembler un petit peu à ça. Life sucks and I never try suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time, been the next breed. If you're coming, come at me directly. Don't need no one to defend me. Moi, j'ai pas le temps, pas les épaules, pas les épaules. Pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque. Eh ben, c'est un sacré voyage, hein. Oui, complètement, c'est vrai que, bah ouais, hein, ça passe du coq à l'âne, quoi. Oui, et en même temps, enfin, je trouve que ça fait sens quand on écoute là en tout cas, ces extraits que mm-hmm. tu m'as envoyés, que tu as choisi de mettre en avant, Bon, alors là, en tout cas, plusieurs de ces chansons, tu les chantes toi. Drôle d'époque, moi en tout cas, je l'ai entendu le chanter avec beaucoup, beaucoup d'émotions dans Hippocampe. Come Take My Eyes Off of You, tu la chantes aussi toi. Ouais. Et puis, il y a d'autres, d'autres chansons où, au contraire, tu mets les mots des autres dans ta bouche, ou en tout cas dans, ouais. dans ton corps. Qu'est-ce qui fait que tu choisis, enfin, je ne sais pas si tu choisis en fait, ou si c'est en fonction des capacités que tu te sens, qu'est-ce que tu chantes toi et qu'est-ce que tu lip-sync du coup Je pense que ce que je choisis de chanter, ça va être ouais, des chansons qui me touchent profondément dans mon cœur. Et que, je sais pas, ouais, je réfléchis pas assez parfois, du coup j'ai du mal à mettre des mots sur des choses que je fais. Ça peut pas toujours une raison, hein, mais... Ben, je sais que, drôle d'époque, j'avais envie de la lip-syncer, et en fait, à force de l'écouter, je la chantais, j'étais là, mais j'y arrive en fait. Et je me suis dit, mais j'ai tellement plus envie de la chanter, je me sentirais beaucoup plus connectée ben, à moi, au public, etc. Donc... J'ai décidé de la chanter, quoi. Mmh. Et j'ai l'impression que dans un lip-sync, c'est intéressant quand... Enfin, moi, j'aime danser quand il y a du lip-sync. Et du coup, c'est intéressant s'il y a... Enfin, si la chanson n'est pas non plus trop longue. Mmh. Parce que sinon, t'es en train de faire ça avec ta bouche et en plus de faire des trucs avec ton corps, ça peut vite être méga épuisant. Et du coup, en général, j'essayais de choisir des trucs méga percutants. Notamment Venom. Qui est le rap en anglais. Ouais, le rap assez énervé. Ça, c'est le premier lip-sync que j'ai eu envie de faire. Ben, c'est marrant parce que j'ai eu envie de faire Venom. Les premiers trucs que j'ai lip-syncés, Venom et Drôle d'époque que j'ai chanté dans la foulée. Enfin, vraiment, gros écart d'énergie, quoi. C'est ça. J'aimais bien ça aussi, qu'il y ait cette chose-là, en fait, chez Shiny Blue, un truc de... C'est pas une seule énergie, c'est pas je dois faire ceci parce que je suis en Shiny Blue, c'est justement montrer que le grand écart, enfin pas le grand écart, mais plutôt qu'elle est large, quoi, et qu'elle se soucie pas d'être cohérente. Il paraît que Shiny Blue est né d'un projet de théâtre qui a un peu dérapé. Ah oui. C'est vrai ça? Oui, tout à fait, oui, ça, c'est marrant ça. Eh bien. Ce nom vient de plus loin que ça, en vérité. Mais là où on a commencé à se... Enfin, en tout cas, j'ai commencé à me maquiller, à mettre des tenues. On faisait vraiment n'importe quoi. Ça venait d'un projet qui, à la base, s'appelait Nino Ernesto, que je mettais en scène avec ma meilleure amie, Sarah Martin. Donc, on était deux à la mise en scène. Et c'était Adrien De Biasi et Cyrielle Lucas qui jouaient Nino et Ernesto. Mmh. Donc, Drag Queen et Lady Leggy. Tout à fait. Mmh. Et en fait, ma meilleure amie Sarah Martin est partie vivre à Londres. Et donc, le projet a un peu dû se refondre un peu, quoi. Donc, on a décidé de faire entrer une nouvelle personne dans l'équipe, Zaël de Coster. A.K.A. Rosigo. Tout à fait. Et donc, on se retrouve à quatre en se disant, bah, tiens, voilà, on va retravailler un peu la pièce. Voili, voilou, ce serait bien que Zaël fasse la scéno, les costumes, ce serait trop cool. On discute, je pense, une heure, et en fait, on se dit, mais voilà, le drag, ça a l'air quand même chouette. Et si on se maquillait? En fait, voilà. On a complètement abandonné Nino Ernesto. On a commencé à se maquiller, à se dire, en fait, on va utiliser cette semaine de résidence qu'on avait de toute façon bookée pour se maquiller, pour fabriquer des tenues, mettre ce désir en place, quoi. Je sais que Lady Leggy avait déjà performé une fois ou deux avant ça. Ah oui. Pour Rose Gigot, c'était une première. Mm-hmm. Et Quen avait déjà un peu commencé en amont. Donc voilà, on s'est... Enfin, disons qu'elle nous a un peu donné des skills. On a commencé à regarder des tutos, mais on improvisait des choses. Enfin, je me souviens que j'étais sans limite à ce moment-là. Quoi. J'étais en là, ah, mais je mets une perruque sur ma tête, je l'utilise pour faire un nœud autour de mes seins. Ça fait une robe en même temps. Je m'en foutais, j'étais là, ah, trop stylé. Or que ouais, quand je revois maintenant, je trouve que c'était bon, voilà, c'était le tout début, mais en fait, oui. J'aimais bien, quoi. Mm-hmm. J'aimais bien ça. Et donc ça, c'était Drag Bike. Oui, et c'est de là que c'est créé, donc Drag Bike. D'où ça venait cette envie de faire du drag? Que chez toi. Ce qui m'a vraiment donné envie de faire du drag, c'est un cabaret, donc le cabaret de Madame Arthur que j'avais été voir dans le Inn d'Avignon, mais donc il y a peut-être 6 ans. Non, okay. Peut-être moins. Peut-être 5-6 ans, voilà. Madame Arthur, c'est à Paris au départ, non? C'est à Paris au départ, okay. Ouais. Ah ouais, mais ils sont allés à Avignon. Et ils ont été invités par le festival Inn d'Avignon. Je pense qu'il y avait un focus justement sur les identités de genre cette année-là et la queerness. Et donc, il y avait Madame Arthur à Avignon. Et c'était la première fois que je voyais du cabaret. Et vraiment, j'étais choquée, quoi. Tellement j'étais... Je suis passée, mais par toutes les émotions possibles. J'avais tellement de joie, en fait, de voir ce qu'elle proposait. Et c'était si beau et tellement pailleté, tellement coloré et tellement intense dans les émotions aussi, sur ce format assez court de 3-4 minutes, le temps d'une chanson, en fait. Et ça m'a complètement chamboulée. J'y pensais, mais tout le temps, quoi. Ah, mais je veux faire ça. Mais je sais pas comment on fait exactement pour faire ça, mais je veux goûter à ça, quoi. C'était vraiment spécial ce que ça m'a procuré comme émotion. Mmh. Et donc, premier make-up, etc. Tu te maquillais au quotidien à l'époque? Non, j'ai toujours été la team un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, mais... Okay. Mais j'allais pas très loin, quoi. Même un trait d'eyeliner, et c'est encore aujourd'hui compliqué. on fait des make-up, tout ça, mais faire un trait d'eyeliner, c'est compliqué. Mm-hmm. Et donc, ça a été aussi un apprentissage ensemble de ça marche pas, on essaye, on machin, on truc. Oui, mais c'est pas tellement cette semaine-là que je me suis vraiment perfectionnée en make-up, parce que là, je m'en foutais réellement. Okay. J'en ai... Ouais, là, cette semaine-là, j'étais vraiment en mode des perruques, c'est trop cool. Je mettais des talons et aussi, j'expérimentais pas mal la nudité au final. Et je crois que c'est ça qui me... Enfin, j'ai vraiment eu besoin de passer par là. Et c'est encore un truc qui me... J'aime pas avoir beaucoup de vêtements, d'accessoires. Je trouve ça trop beau sur les autres, mais moi, j'ai pas envie de porter 1000 trucs, en fait. J'aime être à poil, en fait. Voilà, c'est bien de l'assumer. J'adore être à poil. Mais du coup, c'est pas... Ça donne pas une possibilité de tenue... Bon, en même temps, mais si je me souviens bien, sur Hippocampe, t'as une espèce de... Juste de voile de brillant, comme ça, autour de toi. Ouais, c'est ça. Très, très beau. Ça, j'adore. Je trouve que tu t'en fais quand même quelque chose qui est très beau. En plus, c'est pas vulgaire, tu vois. On se dit pas, oula, elle voulait se mettre à poil. Tu, vois. Tu joues avec ça, t'amènes... Enfin, je trouve ça... C'est... Ouais, c'est très beau, quoi. Trop bien. Mais Shiny Blue, du coup. Parce que tu dis que ça venait encore d'ailleurs. Oui. Ce nom. Mais ça vient de... C'est un peu couillon. C'est basique. Oui, c'est ça. Bon, en gros, je buvais pas mal de chimée bleue, en fait. Je buvais pas mal de chimée bleue. Ah, waouh. Je te jure. Et un jour, mon coloc m'a dit, mais toi, c'est incroyable. Comment un petit corps peut contenir autant de chimée bleue? Et là, t'es vraiment Shiny Blue. Et il a sorti ça comme ça. Et du coup, j'ai là, mais waouh, ça claque ce nom. C'est génial. Et du coup, il a commencé à m'appeler Shiny Blue et j'ai trouvé ça super. Okay. Et en fait, ça a fait vraiment une évidence quand j'ai dû trouver un nom drag. Je suis là, Shiny Blue. Trop bien. C'est aussi une petite partie de moi bizarre, là, comme ça, buveuse de chimée bleue. Enfin, tu vois. C'est un peu, je sais pas, une partie de moi à la fois sombre et lumineuse. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et puis, après, c'est Not Allowed Glitter Time. Tout à fait. Pendant le Covid, ça s'est passé comment pour toi, cette expérience-là? Eh ben, waouh, c'était la découverte. Pour moi, c'était vraiment la découverte, en fait, de ce milieu. C'était vraiment incroyable. Hein. Cette période était très... Enfin, c'était assez court au final, mais très intense. Comment ça s'est passé c'est via Quen, du coup, que j'ai rencontré... Via Quen et Gigot, que j'ai rencontré Blanquette, Ariès à l'époque. Je sais pas si tu l'as connue. Non, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas connue, non. C'est ça. Et Lily Beth, je la connaissais déjà. Bon, bref, donc j'ai rencontré pas mal de l'équipe à ce moment-là, mais je ne sais pas quoi te dire sur cette période. Ça me semble maintenant tellement lointain et d'une certaine manière, j'étais tellement heureuse d'être là et de faire ce que je faisais. Et d'être avec cette team. Je crois que ce que ça m'a laissé, c'est que du coup, j'ai jamais eu envie de travailler toute seule. Dans le sens où bah, déjà, on a commencé avec Drag Bike, avec beaucoup d'amour et beaucoup de... On est ensemble, on se donne des conseils. Puis ensuite, Not Allowed, pareil, un petit cocon très bienveillant. Et du coup, ensuite, travailler ouais, toute seule dans le sens... Ne pas être accompagnée tout le temps de mes copaines, en fait, pour me maquiller, pour le moment avant le show, me retrouver un peu seule dans tout ça. Par exemple, j'ai fait genre 2-3 scènes aux Mademoiselles sans connaître beaucoup les gens. Ouais. Et en fait, j'étais là, mais c'est super. Et je sens que j'ai une opportunité de ouf d'être là. Mais j'y arrive pas. Il me faut les copines, quoi. Ah ouais. Ouais, ce côté, finalement, ce côté communautaire, ce côté vraiment faire ça ensemble, c'est... C'est ça. Et même, ça vient aussi du théâtre, au final. Ça vient du théâtre. Au cinéma, il y a quelque chose qui s'en rapproche aussi. J'ai pas envie de travailler seule et de défendre seule mon bout de gras. Il y avait quelque chose dans Note Loud où, en fait, c'était comme un projet commun, quoi, tu vois. Et j'en ai besoin, fort. Et t'arrives à trouver ça encore maintenant ? Hippocampe m'a aussi proposé ce genre de configuration. Mm-hmm. Mais je crois que je vais... Ouais, ça risque d'être compliqué pour moi parce qu'en fait, ce métier, il propose ça aussi, quoi. Le métier de performeuse au cabaret, c'est un peu tracer son bout de chemin et être prête à travailler, mais pas seul, hein, parce que t'es toujours à plusieurs, mais à pas toujours être avec ses... Enfin, je sais pas, à rentrer, quoi. Je sais pas comment... dans l'art, rencontrer les gens, à être suffisamment aussi confiant et confiante en soi-même que pour ne pas avoir besoin de la validation de ses amis, je pense. Mm-hmm. Tu vois ? Ouais. Et ça, j'ai pas envie de chercher ça pour l'instant. Ouais. Mais alors, pour parler d'autres choses qui a à voir avec le drag, mais de plus loin, mais qui a un grand rapport avec le collectif, c'est ta participation dans Ravi. Ouais. Donc, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Ravi, qui actuellement est à la tête, pour la première fois de l'histoire des institutions culturelles belges, nous avons un collectif à la tête d'un théâtre, le Théâtre de la Vie. Théâtre de la Vie, où depuis 2 ans cartonnent les soirées Curiosity une fois par mois, où... J'en viens vraiment, quand je vois les images, à me demander comment le théâtre fait pour mettre toujours plus de gens dans ses gradins et tout, à croire que le lieu augmente à mesure des éditions, que le lieu s'agrandit toujours plus. Vous êtes plusieurs dans Ravi à faire du drag. Ouais. Est-ce que c'est deux choses qui resteront quand même séparées ? Est-ce qu'il y a l'envie de servir un peu de marchepied, ou en tout cas de continuer à amener du drag dans un cadre plus institutionnel à travers le Théâtre de la Vie, à travers Ravi. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez, de justement ce rapport-là entre le drag et le Théâtre de la Vie et Ravi ? Là, je parle vraiment à titre personnel. Je ne vais pas parler en tant que Théâtre de la Vie. Je pense qu'on a tous des points de vue qui peuvent être différents à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie d'amener ma pratique drag dans ce cadre-là, forcément. En effet, c'est assez rigolo de se dire qu'on est plusieurs personnes à pratiquer le drag dans la team, et notamment ma big pote Lady Leggy, quoi. Mais en fait, je pense pas que ça va avoir une influence sur notre rapport au théâtre. Mmh. Voilà. Mais donc ça, c'est vraiment une réponse perso, parce qu'au final, j'en sais rien. Évidemment qu'on parle... Enfin, les soirées Curiosity sont vraiment devenues phares maintenant au théâtre de la vie et pour la scène, drague bruxelloise. Donc ça, je trouve que c'est un élément important, et collectivement, on est d'accord pour dire que c'est vraiment important de les perpétuer, perpétrer, ou bon bref, que ça continue. Mais voilà, je ne pense pas que nos pratiques perso vont avoir une influence là-dessus. Yes. Alors pour revenir à toi et ton rapport au public, parce que on en a déjà parlé, mais j'étais étonné aussi, notamment dans Hippocampe, tu as un numéro avec une loop station où t'enregistrais aussi des réactions du public que t'intégrais dans tes boucles. Mm-hmm. Comment tu travailles ce rapport au public justement dans tes performances? T'y penses en amont ou bien ça? Bah non, faut dire que ça pop en fait quand le public est là. Comme je te disais, j'ai un rapport un peu, même très instinctif à la création de manière générale. Je crois que j'ai un peu du mal à mettre des mots parfois sur les choses juste que je sens et que je me dis, bon, c'est comme ça que j'ai envie que ce soit fait, quoi. Ce rapport au public avec cette loop station, il s'est créé en répète, qu'en fait, sur base d'une erreur, tu vois. Ah oui. Ouais, j'ai oublié de recliquer sur un bouton. Donc, un de mes sons s'est enregistré, qui a fait rire le public, et du coup, ça a enregistré les rires du public. Ah ouais. Et, et du coup, avec l'équipe, on a trouvé ça intéressant de continuer à créer ce trouble-là, quoi. Ouais. Et du coup, en effet, le public est un peu là, « Ah, est-ce qu'elle l'a fait exprès ?» Mais non, elle l'a pas fait exprès, on ne sait pas. Et du coup, ça crée un petit... une petite étincelle, j'ai l'impression, que ce soit pour moi. Tout à coup, ça rajoute... Parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites, mais je crois que j'aime toujours quand il y a la possibilité de... juste d'être dans le moment présent, et ce genre de choses... permet de me recentrer dans le « Ah ouais, c'est ici maintenant et il n'y a pas de... » Et on a beau avoir préparé pendant 2 mois, en fait, c'est ici maintenant que ça se joue. C'est tout, quoi. Tout comme de t'interrompre sur une note moins juste pour relancer c'est la ça. Machine, c'est... Super. Mais donc, on l'a aussi plusieurs fois évoqué, t'as aussi... une carrière, en tout cas une activité artistique dans le théâtre, dans le cinéma, dans les séries, etc. Est-ce que ta pratique du drag et est-ce que Shimmy Blue vient nourrir ce rapport-là? Oui et non. En fait, ça vient nourrir moi, Mélissa. Mmh. Et Mélissa vient nourrir le reste. Donc oui, il y a un rapport... ça s'est nourri, enfin je sais pas, un rapport de cause à effet là entre toutes ces choses là, mais c'est tellement différent. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de me dire que tout ne va pas devenir la même chose, c'est-à-dire que quand je travaille sur une série pour la RTB et quand je travaille pour Hippocampe ou pour, c'est des choses tellement différentes que je dois pas convoquer les mêmes choses en moi aussi, tu vois, pour travailler sur les différents personnages, etc. Et ça, j'aime bien garder cette malléabilité d'une certaine manière, et que Mélissa et Shimmy Blue fassent pas un bloc, mais que tout soit possible à l'intérieur de ça, quoi. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Je te propose de terminer avec les petites questions rituelles que je pose à chacun, chacune. Est-ce que le drag va changer le monde? Est-ce que le drag va changer le monde? Je crois pas. Pourquoi? Tu veux... Parce que c'est magnifique ce qu'on fait, c'est magnifique l'art. On touche peu de gens. C'est pas du tout un constat pessimiste ou quoi. C'est pas que je crois pas en la beauté du monde et tout ça, mais si... Enfin, en étant centrée avec moi-même, en remettant l'église au milieu du village, je suis là. Ni le drag, ni le théâtre, ni le cinéma ne vont changer le monde. Le rendre plus beau, oui, mais est-ce que c'est changer le monde? Est-ce que c'est changer ses fondations? J'en sais rien, tu vois. Mm-hmm. Je sais pas si ça va changer la structure du monde qu'on connaît, mais en tout cas, mettre plus de joie, de bonheur dans le cœur des gens, faire vivre des émotions, ça oui. Si tu pouvais t'inventer un nouveau personnage drag de zéro, ce serait qui? Ce serait quoi? Ah oui, tiens, je me souviens de cette question. J'aurais peut-être dû un peu y réfléchir à celle-là parce qu'elle est méga intéressante. Parce que, en vrai, oh waouh! Mais en vrai, tout est possible. Hein. J'ai l'impression que, comme je te disais, Shaimi est tellement pas. Enfin, j'ai essayé de pas cloisonner ce personnage nécessairement. Donc en fait, si demain je veux devenir une beauty queen, je peux. Si demain je veux devenir un monstre, je peux. Donc en fait, non, je crois que je suis assez satisfaite de Shaimi. Parfait. Est-ce que tu as un prochain numéro dans les tuyaux ou pas trop? Eh ben. Le travail avec la Loop Station m'a vraiment fort, fort plu. Et donc là, je suis en train de... C'est un peu cher, cet objet. Hein. Mm-hmm. Et en fait, j'ai eu la chance qu'on me l'ait prêté pour Hippocampe. Mais je crois que je vais acheter une Loop Station. En fait, pour maîtriser cette chose-là, c'est rendre des heures et des heures de travail. Mm-hmm. Seule dans sa chambre, comme ça, à faire tididididit. Donc oui, je pense que j'ai encore envie de perfectionner cette chose-là et de faire des choses incres avec cet objet. Trop bien. Et plutôt freak ou plutôt merveille, Shaimi Blue? Merveille. Est-ce que je suis freak? Je crois que oui, hein. Je crois que je suis freak, mais j'aimerais être une merveille. Tu vois ce que je veux dire? Ou l'inverse. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, Shaimi Blue. C'était très, très agréable de t'entendre et de te recevoir. J'ai très hâte de pouvoir diffuser cet épisode à un maximum de gens. Trop bien. Moi, j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. Donc, j'ai hâte d'écouter le montage. Et ben avec plaisir, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, à tout vite. Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoile et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à eux.